Chapitre 9e. Pendant que M. Borel prenait connaissance de la lettre que l'on venait de lui remettre, Alexis, se rapprochant de sa mère, lui dit tout bas « Tu m'as bien compris tout à l'heure, n'est-ce pas? Lorsque j'ai dit qu'hier matin, je n'aurais pas eu l'éloquence que mon bon père prétend trouver en moi. Si je vous ai compris, monsieur l'amoureux, voilà une belle question, répond Mme Borel, haussant les épaules. Aussi est-ce à l'ange que je fais honneur de ton éloquence, et point du tout à toi, illustre Cicéron, toi, dont l'irrésistible éloquence a le pouvoir prodigieux de persuader les gens qui sont de ton avis. Voyez-vous la méchante mère, elle se moque de son avocat, maintenant que la cause est gagnée, répond gaiement Alexis, tandis que M. Borel, s'adressant au domestique, il n'y a pas de réponse, sinon 1000 remerciements de ma part. Le serviteur sort et le banquier se dit à part. Grâce à Dieu, voilà l'occasion de rompre cet entretien dont chaque mot me poignardait. Et se rapprochant de sa femme et de son fils, enfin, mes amis, l'on m'envoie cette autorisation de visiter les appartements du château de Monceau, autorisation que nous attendions depuis quelques jours. Il paraît que cette faveur ne s'accorde qu'à un très petit nombre de privilégiés. Alors nous en profiterons avec un double plaisir, dit Madame Borel. L'on assure qu'il y a dans le château des merveilles en objets d'art et de curiosité. Or, je l'avoue, depuis que nous avons acheté d'excellents tableaux et quelques statues antiques pour orner notre hôtel de Lyon, à force de contempler les belles choses, j'ai fini par devenir, sinon très connaisseuse, assez du moins pour pouvoir distinguer les bons tableaux des mauvais, et j'éprouve une véritable jouissance à la vue des chefs-d'œuvre de l'art. Aussi, chère mère, tu trouveras dans la galerie de Monceau de nombreux sujets d'admiration. On parle, entre autres, d'un magnifique tableau d'Harry Schaeffer, le grand poète des peintres, ajoute Alexis Borel. Il me tarde de voir cette peinture. Eh bien, mes amis, ne différez pas votre plaisir. Allez ce matin au château de Monceau. Je ne pourrai malheureusement pas vous accompagner. Je dois être avant midi au ministère des Finances, et voici bientôt 11 heures. En ce cas, mon ami, répond Madame Borel, nous remettrons notre partie à demain, afin d'aller à Monceau tous les trois. Il se peut que demain je sois obligé de retourner au ministère des Finances. Allez toujours visiter aujourd'hui le château. Nous y retournerons ensemble, dit le banquier. L'on peut voir deux fois les belles choses. Certes, reprend Alexis, et surtout les tableaux d'Harry Schaeffer. Ils sont si profondément sentis et pensés que chaque fois qu'on les revoit, on les apprécie et on les admire davantage. Il y a dans leur poésie je ne sais quoi de vague, de mystérieux, qui fait délicieusement rêver. Puis, jetant un regard d'intelligence à sa mère, Alexis ajoute « Je suis certain que, jamais plus qu'aujourd'hui, je ne goûterai mieux l'adorable talent d'Harry Schaeffer. » Madame Borel souriait à son fils d'un air d'intelligence lorsque le domestique, rentrant, dit à ses maîtres « Monsieur le marquis Ottavio Ricci demande si Monsieur Alexis peut le recevoir. « Sans doute, et priez Monsieur le marquis d'entrer. » répond très haut Monsieur Borel, flatté de l'empressement du jeune patricien à venir visiter Alexis. Et Madame Borel ajoute « Cette prévenance de la part de M. Ottavio est très gracieuse. » Et souriant « Voyez-vous, M. Alexis, le fils d'un grand seigneur fait les premiers pas vers vous. N'allez pas devenir trop fier, au moins. Dieu m'en garde, bonne mère, car cette prévenance du marquis Ottavio, à qui la dois-je? Au nom si honorable que j'ai le bonheur de porter, » répond Alexis en regardant son père au moment où le domestique introduit Ottavio.